bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika, tous les vendredis à partir de 19h. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. Donc, effectivement, les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, aujourd'hui, sont payés double. Hein, je vous le dis. Hein, donc, c'est comme ça. Et nos invités, eux aussi. Hein, par rapport aux invités des autres semaines, ils auront un double salaire. Donc, déjà, on va remonter jusqu'à l'émission numéro 500. On avait reçu les No Blush. La 500, on avait reçu Rosie Kinkela. La 503, on avait reçu Barricade. La 507, on avait reçu les Uncle Bikers. Le 508, on avait reçu, c'était donc le vendredi 6 mai, hein, on remonte quand même assez loin, Alex Lebaille, d'ailleurs qui reviendra dans quelques temps, vous aurez une petite surprise. La 510, nous avions reçu Odeon. Drive to Amnesia, c'est le groupe qu'on vient d'écouter à l'instant en plus, ça tombe bien. Donc c'était pour la 513. On a reçu aussi pour la 514 les Sugar Cane, un groupe qui était venu de Grenoble, hein, si je me souviens bien. La 516, on avait fait une émission spéciale Johnny Hallyday avec David McLean, avec Jimmy Sugar, bien entendu. La 517, c'était Yavanna, notre invité. On avait passé un bon moment ensemble. Et puis il y avait notre ami Yous qui était venu nous faire un petit bonjour. La 518, c'était la découverte du groupe Celtic Reich, avec lequel on a passé un très bon moment, avec la musique celtique, hein, comme on aime l'écouter de temps en temps aussi. On avait continué aussi avec la 519, on avait reçu Angéline Anonier, elle était venue nous parler justement de Johnny Hallyday, encore une fois, parce que c'était une des anciennes choristes de Johnny Hallyday, mais pas que, elle avait aussi travaillé avec Bernard Lavilliers, avec Michel Sardou, etc. Donc on avait passé un super bon moment, et d'ailleurs j'avais partagé des photos il y a quelques temps, où on était tous ensemble, donc ça fait plaisir de se souvenir de très bons moments comme ça. La 521e, on avait reçu notre groupe, notre duo, qui était à l'origine un duo, qui maintenant est un trio. Il s'agit de Duc. Ils étaient venus ici pour nous parler de tout ce qui s'était passé depuis leur dernier passage, puisqu'ils étaient déjà venus une première fois. Le 524, on a écouté tout à l'heure justement un de leurs titres. C'était le titre Sordide, et c'était le groupe Dérapade. Et on a commencé cette émission justement avec un morceau des Corrosive System, qui étaient les invités numéro 1 de la semaine dernière, donc 525e édition. Donc c'était le vendredi 28 octobre, et donc le morceau de Corrosive System, alors j'ai tous les noms ici, hein, je vous les rappeler tout à l'heure. On avait écouté justement depuis le début de l'émission Corrosive System avec Instinct Bestial, Dérapade avec Sordide, et à l'instant, donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Drive to Amnesia avec un morceau qui s'appelle Away. Alors aujourd'hui, nous avons aussi des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En plus, ce soir, je peux vous dire qu'il y a du live, parce qu'il y a des beaux instruments qu'ils ont ici dans les studios. Ils sont déjà en place, ils sont en train de nous écouter tranquillement. En attendant que tout soit prêt, on va écouter, on va faire les deux découvertes de la semaine. Donc on va écouter un groupe qui s'appelle On n'est pas sorti de la grange, et le morceau que nous allons écouter, c'est Dans nos campagnes. Donc voilà, c'est un petit retour à la country française, on va dire ça comme ça. Et juste après, on écoute Elephant from Neptune. Ah non, d'ailleurs, on va commencer par Elephant from Neptune avec Boogie Land. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est une mission Mavrika, et nos invités qui sont juste là, c'est un trio. Il y a deux belles guitares et une contrebasse. Il s'agit du groupe Swim Camille. We'll be right back.

Voilà, donc des nouveautés. Donc la première fois qu'on les diffuse dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika, c'est donc dans nos campagnes à l'instant, avec un titre, avec un le titre d'un groupe qui s'appelle On n'est pas sorti de la grange. Donc je crois qu'ils ont simplifié, je crois que ça s'appelle aussi ONEPSDLG, ce qui est beaucoup plus simple à retenir. Et juste avant, donc Elephant from Neptune, donc il y a des éléphants sur Neptune, ça c'est une première, on vous le dit dans l'émission Mavrika. Et le morceau s'appelait Boogie Land. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel donc avec nos invités. Ils sont au nombre de trois. Ils sont, c'est donc un trio de musique. Ils sont là. Voilà, je monte les micros et puis on va voir si tout fonctionne bien comme il faut. Bonsoir Soum Camille. Bonsoir. Oh, ça marche bien. La voix de Pascal qui passe très bien. Bonsoir Albino. La voix de Patrick qui passe très bien aussi. Et la dernière. Bonsoir à tous. Marcelin, voilà. Tout le monde est là. Je monte un petit peu la voix de Marcelin et je pense que le reste, c'est bon, hein, impeccable. Donc, vous êtes les Soum Camille. Donc, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous nous avez fait des petits lives. D'ailleurs, il y a un petit live que j'avais retrouvé que je diffuse dernièrement dans l'émission. C'était Les Feuilles Mortes. Donc, c'était une chanson que tout le monde connaît, reprise à votre sauce, puisque vous êtes un groupe de, comment dire, swing. Bon, c'est le mot. Et il y a aussi jazz manouche, on va dire. Ouais, alors jazz, on n'est pas puriste au point de faire du jazz jazz pur. Non, ouais. Swing manouche, c'est bien, un bon mix des deux styles. Voilà, donc tout à fait. Et en plus, le nom, il va tout à fait bien. Donc Swing Camille, jeu de mots avec la voiture aussi, hein, voiture mythique. Donc des années 70. 60 même, hein, fin 60. Hein. Moi, je les ai connus dans les années 70, hein, mais bon, c'était voiture quand j'étais tout petit. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup, mais c'était vraiment particulière. Donc, de temps en temps, on voit des voitures comme ça. Et en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Patrick, lui, il a une Simca 1100. Voilà, la même que mon papa avait dans les années 70. Donc, une Simca 1100 spéciale, en plus. Oui. C'est ça. Mais la Simca 1000, Marcelin, c'est la sienne. C'est la sienne. En photo. Très bien. Donc, on remercie aussi Georges Villela, qui est au Portugal, et qui s'occupe du site, qui nous a fait un petit montage avec une photo qu'on avait fait ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était moi qui l'avais fait avec vous. Et donc, il m'a demandé, tiens, j'ai trouvé une image, est-ce que tu pourrais me la trouver sans les titres? Parce que c'était vous en étiez servi pour souhaiter un joyeux... Ouais, une bonne année en 2020, je crois, il me semble, un truc comme ça. Donc, il m'a dit, est-ce que tu aurais la photo, donc j'ai retrouvé la photo d'origine. Il nous a fait un petit montage avec justement la Simca 1000, et c'est la tienne. C'est la mienne. C'est la tienne en plus. Et c'est lui qui a trouvé, hein, c'est même pas moi. Il a fait de la recherche, il a retrouvé. Et jusqu'à maintenant, depuis qu'il nous fait ces images-là, d'ailleurs, il s'est pas trompé. À chaque fois que je lui propose un groupe, il trouve toujours le bon, parce que des fois, il peut y avoir un autre groupe qui s'appelle de la même manière. Mais non, à chaque fois, il cherche dans la région orléanaise, je suppose. En tout cas, on le remercie pour son travail. Merci. Voilà, merci. Donc, vous étiez venu pour l'émission 300 quelque chose. On va retrouver, hein, parce que moi j'ai tout, hein, dans les archives. Hein. Donc, ça fait déjà quelques temps. Hein. C'est vrai que le temps est passé vite, en plus avec le Covid. Donc, pour un petit moment, il y a eu un petit creux peut-être pour vous aussi. Oui. Ben, comme pour tous les intervenants dans le monde du spectacle, que ça soit la musique, le cirque, quoi, quel que soit le monde, c'était très très dur. Ça a été très très dur. Bon, nous, on n'en vit pas non plus. Hein, donc, ouais, donc vous êtes un groupe amateur, on peut dire ça. Ah, ça. Oui, avec un grand A. Oui, oui. Avec un grand A, voilà. Et il vaut mieux être un amateur avec un grand A qu'un professionnel avec un petit P. Hein. Bon. Celle-là, on va la ressortir. J'en suis content. Voilà, donc vous étiez venu pour nous parler, pour nous présenter le groupe. On peut le représenter à nouveau. Donc c'est un groupe composé de trois personnes, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a Patrick qui est à la guitare, il y a Pascal qui est à la contrebasse et Marcelin qui est à l'autre guitare. Donc il y a deux guitares. Il y en a une rythmique, une solo. Une chorus, une rythmique. Ouais, voilà, c'est ça. Et comment vous faites? C'est toujours le même ou vous changez de temps en temps? C'est souvent le même. C'est souvent le même. Très bien. Donc voilà. Les morceaux que vous reprenez, c'est des morceaux. C'est des reprises, hein, c'est pas des. Ah oui, il n'y a pas de composition. On a essayé de chercher un peu dans la chanson française, en fait, dans les chansons françaises, des morceaux qui nous intéressent, et voilà. Voilà, parce que et qu'on arrange un peu notre sauce. Et... Qu'on manouchise. Ouais. Qu'on manouchise. Et c'est vrai qu'à la limite, on peut prendre n'importe quelle chanson, on peut l'adapter justement. Peut-être pas toutes, mais il y en a qui se prêtent mieux que d'autres. Oui. Mais après, c'est la manière d'interpréter qui fait que ça devient du swing manouche, comme vous le faites. Hein. Oui, c'est en fait, il y a un côté rythmique. C'est donc Marcelin qui fait essentiellement la rythmique, ce qu'on appelle aussi la pompe. Ouais. Donc ça fait le donc c'est ce qui fait un peu la c'est partie, ce qui fait le rythme, hein, le rythme oui. Ce qui explique que la guitare avec la contrebasse, il y a pas de batteur. Ah non, voilà. Non, il y a pas de batterie. Après oui, il y a certains groupes qui ont adapté en plus la batterie en plus, mais bon ça c'est déjà on a modernisé un petit peu. À l'origine, il y en a pas. On se rapproche après un peu plus du jazz. Voilà. Avec le avec les balais là et tout ça. Ouais. Mais bon, à l'occasion, je sais qu'une fois vous avez fait une, vous étiez en train de jouer sur scène et il y a eu un saxophoniste, hein, si je me trompe pas, qui était venu vous clarinettiste, effectivement, qui était venu vous accompagner. Et donc à la limite un batteur pourrait très bien s'intégrer aussi hein, un jour faire un petit bœuf avec un batteur. On a déjà joué. Oui, avec, vous avez déjà joué avec des batteurs. Après c'était du bœuf donc. Ouais. On s'adapte. Tout le monde s'adapte. Très bien. Donc comment le groupe s'est formé depuis combien de temps il existe d'ailleurs? Alors, messieurs. Oh là, on recherche dans l'historique. Non, en fait, à la base, c'était un duo. C'était ça s'appelait le Swing Duo de mémoire, c'est ça? Et alors, je leur laisse la parole, j'étais pas là. Donc, à l'origine, c'était deux guitares. On jouait avec Marcelin, tous les deux. Mm-hmm. Donc, moi, au départ, je jouais tout seul dans un groupe de rock. Quoi. Et un jour, on est parti en Belgique avec Marcelin, et j'ai plein de copains qui jouent là-haut. Quoi. Mm-hmm. D'ailleurs, tu nous en as fait venir ici aussi, à le groupe Question Mark. On avait passé des bons moments. Deux fois, ils sont venus en plus, hein, de Belgique, dans l'émission Maverick. On avait passé des bons moments avec eux. Et comment ils vont? Ils vont bien? Oui, ils vont bien. Ils n'existent plus. Maintenant, c'est un cover... David Bowie. Ah d'accord, parce qu'à l'époque ils reprenaient pas mal de choses. Hein. Ouais. Je me souviens de certaines chansons qu'ils avaient reprises que j'ai entendues il y a pas très longtemps. C'était Layla entre autres de Eric Clapton que j'ai réécouté dernièrement et ça m'a rappelé un petit peu cette interprétation qu'ils avaient fait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc moi comme je grattais avec eux le soir quand on mangeait ensemble, Marcelin il a bien aimé ce style de musique. Quoi. Et puis quand on est rentré à la maison, il a acheté une guitare puis on s'est mis à jouer tous les deux. Quoi. Voilà. D'accord, donc c'est des guitares un petit peu particulières aussi. Guitare manouche, oui. C'est un son spécifique. C'est un son spécifique, oui. C'est vrai que, bon, après, par rapport au style de musique, il faut toujours avoir des instruments adaptés. Adéquates. Et la contrebasse, par contre, c'est une contrebasse normale. Oui. Il n'y a pas de spécificité. Oui, non. Les cordes sont en métal. Attends, je regarde. Non, parce qu'il y a aussi certains. Oui, en nylon ou. En boyau. Oui, en boyau, Donc, ça, c'est pour le rockabilly ou des choses comme ça, un son beaucoup plus sec. Hein, ça, c'est pas non, du non, tout. Non, c'est du standard. C'est du standard, très bien. Donc, voilà. Et Pascal, oui, je jouais de la basse dans un groupe de rock aussi. Et il nous a fait venir pour le Téléthon Orgère. Terminé. Donc on a joué avec Marcelin tous les deux et après Pascal il dit tiens, je cherchais pas un bassiste donc il est venu avec sa basse et après il a acheté une contrebasse. Et après il a dérapé. Voilà. Il est tombé dedans aussi. Et il est obligé de changer de voiture. Parce que la contrebasse c'est quand même compliqué. Oui, c'est pas l'instrument le plus discret à se balader. Mais... Ouais, c'est quand même assez encombrant et puis il faut avoir la voiture avec parce que forcément dans un petit coffre ça tient pas. Il faut surtout pas prendre le train avec hein, parce que c'est 350 € d'amende hein, sinon. D'accord. C'est impressionnant. Ah ouais, il y a un manifeste actuellement de tous les contrebassistes qui prennent le train et tout le monde se fait. Il faut prendre un billet pour la contrebasse. Ouais. D'accord, c'est complètement... Alors, quand les mecs ils s'y connaissent pas, on peut leur dire que c'est un violoncelle. Ça coûte moins cher, la montre. D'accord. C'est vrai. Ouais, mais bon, ça veut dire que quand on prend des bagages, tout simplement, il faut payer en plus. Mm-hmm. Voilà, c'est... Ah ouais, donc, ok. Bon, je savais pas, mais on la contrebasse, donc c'est pas terrible pour les contrebassistes, alors. Ben non, c'est pas sympa. Alors, le batteur, j'imagine même pas. Avec la batterie où il y a toutes les cymbales et les gongs et tout ça, j'imagine quand ils prennent le train ou des trucs comme ça, ça doit pas être évident. À mon avis, ils sont équipés. Hein, au bout d'un moment, c'est pareil. Ben, donc très bien. C'était en quelle année que le groupe définitif s'est formé? 2016 à peu près, ouais. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Un petit près. Ok, on reste à 2016. Ouais, adjugé. Ouais, après, c'est en gros comme ça. Donc voilà, vous avez raconté votre rencontre. Et à partir de là, vous avez eu envie de faire du jazz manouche. Alors pourquoi ce style-là plutôt qu'un autre? Parce que vous auriez pu faire du rock, vous venez de groupe de rock. Ouais, mais ils avaient des guitares manouches, alors il fallait les utiliser. Il faut rentabiliser le matériel. Ouais, d'accord, quand elles seront rentabilisées, donc vous allez faire du hard rock, c'est ouais, ça. Oui, évidemment, hein, ou du metal. On se tente. Non, vous avez aimé ce style-là, et en plus, c'est vrai que il n'est pas tellement représenté par les groupes. Hein. Je crois que il y en a d'autres dans la région, des groupes de jazz manouche, je pense ouais, pas. Oui, Swing 41. Oui, qui est de salle de Loir-et-Cher. Ouais. Bah oui, 41. Il y a Swing 45, je crois. Du Loiret, du coup. Il y a quand même quelques amateurs qui font du. Oui. Enfin, oui. Quelques bons amateurs même qui font du manouche. Hein. Il y a quelques bœufs et tout, même sur Orléans. Hein. Fred Simon, qui fait souvent. Il organise des bœufs au rue de Bourgogne. Très bien, donc c'est bien de savoir que vous n'êtes pas les seuls. Quoique, comme vous n'êtes pas nombreux, quand quelqu'un cherche un groupe de jazz manouche ou de swing manouche, comme on pourrait dire, ben, on pense souvent à vous. Hein. Voilà, j'ai eu pas mal de vidéos donc de différents concerts. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les concerts que vous avez faits depuis votre dernier passage? Ouf. À la radio. Oui, à la radio. Il y en a eu un paquet, hein. Bah, oui, ça, on va rechercher d'ailleurs pendant que. Cette année, on en a fait 15. 15 voilà. Ah ouais, quand même, vous tournez, hein. C'est... Alors, je suis en train de regarder en même temps, si je trouve. Tourner en rond. Donc, il y en a certains que vous avez envie de citer, les derniers par exemple. Le dernier, c'était chez les Bikers. Ouais, c'était au Compadre, dans le 28. D'accord, et puis les Bikers, on dit qu'ils écoutent du rock'n'roll, mais, oui, mais là, exception. C'est la deuxième fois qu'on va chez eux. Ouais. Donc, très bien. C'est que ça leur a plu. Bah, et oui. Puis, ils nous ont rien acheté sur la tête, on est revenus indemnes. Oui, on est même vachement bien reçus à chaque fois. Ouais, super accueil. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, moi je vois les gens qui vont jouer chez les Bikers, bon, il y a ce côté blouson noir et tout ça, et finalement on s'aperçoit que c'est des gens qui sont... Ils sont pleins de convivialité, ils vous reçoivent avec beaucoup de plaisir, on passe des bons moments avec... Bon, il y en a plusieurs, des associations de bikers, mais à chaque fois, c'est toujours ce que j'entends en dire, hein, voilà, donc... bah, c'est des gens qui apprécient la bonne musique, qui aiment les motos, et puis qui, après, ils ont des cœurs en or, hein, il faut le dire. Qui aiment partager aussi. Voilà, c'est ça, hein, c'est la convivialité, le partage, et puis voilà, donc on passe des bons moments dans ces associations de bikers. Très bien. D'autres concerts encore? Bon, alors, on fait des mariages, un baptême. Baptême, ouais. Ah ouais. Communion. Non, baptême, pardon. On n'a pas fait communion. Si quelqu'un est intéressé pour une communion, on est ouais, prêt. À la limite, ouais. C'est le moment, hein, si jamais les gens sont intéressés pour différents événements ou manifestations. Ouais, ouais. On a une page Facebook. Voilà. On a un Instagram, je crois bien. Bon, on n'y va jamais, mais non, mais il existe. Potentiellement, on en a un. C'est... Bon, on va dire Facebook et puis Facebook, hein, c'est notre principal réseau social. Très bien, donc Facebook, c'est je pense le plus facile, oui. Le plus courant. Hein. Mm-hmm. Il faut savoir que bon, il y a plein d'autres réseaux sociaux, mais je crois que c'est celui où il y a le plus de monde. Bah, le plus de vieux, en tout cas. C'est vrai que les jeunes se tournent un petit peu faire d'autres trucs, mais pour l'instant, c'est quand même le réseau numéro 1 pour l'instant. Donc, on vous y retrouve, c'est Swing Camille, donc Swing en un seul mot, le K, c'est un K, hein, et plus loin, 1000 en chiffres. 1000. Voilà, donc je regardais, c'était donc en 2017, hein, et 2017. Le temps passe vite, hein, ça fait déjà 5 ans. Vous étiez venu dans l'émission numéro 351. Et donc là, je m'en rappelle maintenant. Ah ouais, 350. Et donc depuis, bah, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu le Covid entre autres, mais vous avez fait quand même pas mal de concerts. Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont prévus? On a quelques dates d'ici la fin de l'année. C'est des concerts privés. Et puis sinon, début janvier, on jouera normalement à l'Octopub à Saran. D'accord. Le 4 et le 4 février et le 13 mai, c'est du privé. Et le 17 juin, c'est à Boigny-sur-Bionne. D'accord. Normalement. Puis après, je pense qu'on va rejouer aux guinguettes où on avait été, aux dominos. Les cornes du pâture, peut-être. Ouais, les cornes du pâture. Quoi, okay. petite guinguette, et puis peut-être des nouvelles guinguettes à découvrir. Et après, vous avez parlé aussi de soirées privées. Alors, comment ça se passe? Et on peut vous louer? Oui, louer. Pour une soirée privée, tiens, je reçois des amis. Est-ce que le groupe Sum Camille peut venir pour animer? Voilà, et ouais. vous débarquez avec vos instruments? Oui, souvent pour des vins d'honneur ou des choses comme ça. Ouais, pour les mariages. D'accord. Après, ce qu'on fait aussi, on n'a pas fait, c'est des répètes à la maison. Ouais. Donc, les gens nous appellent et on va répéter chez eux. Ils invitent du monde à boire, à manger, on mange avec eux, puis nous on répète avec eux. Ouais, c'est histoire de passer un bon moment tous ensemble. Comme ça. Donc, on fait des répètes à domicile. Répète à domicile. D'accord. C'est la grande mode du travail maintenant. Non, mais on n'a pas essayé le télétravail. Mais ça, en plus, c'est sympa. Par exemple, quand c'est l'été, on peut se rejoindre autour d'un barbecue avec les voisins. Et puis, sur la terrasse, avec un petit peu de swing manouche, une musique bien rafraîchissante, comme ça. Oui, puis nous, ça nous permet de répéter aussi en dehors de chez nous. Ça change aussi les conditions, les habitudes. Donc voilà, mais là, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, hélas. Bon, là, on sort du Covid, donc il faut que tout se relance à nouveau. Et puis, petit à petit, on rentre dans l'hiver. Ça va peut-être être une période un peu plus creuse. Et après, ça reviendra. Donc, on espère en 2023 comme en 40. Comme en 22 déjà. Comme en 22 déjà. Donc, comme en avant 19. Voilà. Oui. Voilà, c'est ce qu'on voudrait déjà. Voilà. Et en plus, Pascal, tu étais venu il y a quelque temps aussi pour nous parler du son des blés. Du son des blés, oui. Donc, tu veux nous en reparler un petit peu de ouais, cette association? Tout de suite, là, maintenant. Ouais, comme tu veux. Pas de problème. Alors, on a fait le festival donc le 24 septembre dernier. Super moment, hein. Franchement, on a passé un super bon moment. Ce qui était un petit peu dommage, c'est qu'il faisait un petit peu frais. Et puis, les gens, beaucoup de personnes étaient parties avant la fin. Ouais, Mais moi, j'étais resté jusqu'à la fin. Hein. Donc, ouais, on avait commencé peut-être un petit peu tard. 19h30, c'était peut-être un peu tard. Donc là, l'année prochaine, ça se passera déjà un peu plus tôt. Et deux, un peu plus tôt aussi dans la saison. D'accord. On va gagner presque 2 semaines. On va faire ça presque 3 semaines même. On va faire ça le 2 septembre. Notez sur vos agendas le 2 septembre. Le 2 septembre, donc pour l'année prochaine, donc oui, 2022. 23. Ah oui, 2023. Effectivement, on reviendra. On va rejouer, on va refaire le truc de l'année dernière. Non, 2023, le 2 septembre. Donc, est-ce que vous avez déjà décidé des artistes que vous allez recevoir? Alors, je crois que la prog est en cours. Bon, mais on divulgue rien si c'est pas officiel. Bah non. Donc, puis on n'en sait pas plus. D'accord. Par contre, on peut rappeler ceux qui étaient là la dernière édition. Alors, on avait Jesus Whiskey. Jesus Whiskey, qui seront bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je regarderai tout à l'heure la date. Ouais, mais je crois qu'ils font aussi le Beaujolais Nouveau à Olivet. D'accord. Au domaine qui monte. Au domaine qui monte. Ok. Petit pub pour les copains. Où on a joué aussi. On a joué deux ou trois fois là-bas. Deux fois. D'accord. C'est un endroit qu'on n'avait pas encore cité dans l'émission, il me semble, mais donc, c'est bien de le dire. Les domaines qui montent. D'accord. Il y avait Les Oreilles qui saignent. Les Oreilles qui saignent. Voilà, je me rappelle aussi. D'ailleurs, on a pris des contacts, mais peut-être un jour viendront-ils dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il faut qu'on relance un petit peu tout ça, parce que on en parle, et puis après ça se fait pas, et puis après on laisse tomber, et puis on oublie des fois. Donc il vaut mieux rappeler aux gens, donc s'ils sont disponibles et disposés à venir faire une émission avec nous, ça sera avec plaisir en tout cas. Jesus Whiskey, c'est déjà prévu. Il y avait qui? Dirty Charlie, qui eux sont déjà venus, mais qui reviendront sûrement, parce que c'est des gars qui aiment bien faire la fête et puis mettre l'ambiance aussi. Hein. Ah ouais, ouais. Franchement, un super groupe. Et il y avait aussi Jekyll Wood, donc un artiste que je suis déjà depuis pas mal d'années. Et franchement, à lui tout seul sur scène, il occupe bien l'espace et puis il occupe bien aussi le son. Il a un super son avec une guitare, il se sert de looping, de sample, etc. Et puis il nous fait une chanson à lui tout seul, c'est hallucinant quoi. Donc voilà, quatre super artistes qu'on a eu la chance de voir donc au Son des Blés. La dernière édition, c'était le 24 septembre. À Boulay-les-Bars. Voilà. À Boulay-les-Bars. C'est voilà. Quelques kilomètres d'Orléans, 5-6 kilomètres. 12 quand même. Ah ouais, quand même. 12, ouais. D'Orléans, c'est pas beaucoup, hein. Non. Bon, c'est vrai que les ans, c'est de plus en plus cher. Maintenant, on est obligé de calculer avec ça. Ouais, mais bon. Il y a le covoiturage aussi, c'est un bon point. Ouais, il y a le covoiturage et on peut y aller en trottinette. Oui. Après, il faut qu'on prévoir plusieurs batteries, à mon avis, parce que 12 km, ça commence à faire. Mais enfin, bon, ce qu'il faut, c'est pour se faire plaisir aussi, de temps en temps, il faut aussi se déplacer. Et puis, il n'y a pas qu'Orléans que se passent les choses. Il y a aussi tout autour. Donc, vous pouvez aussi aller voir des artistes dans des événements comme cela. Donc, c'est bien de nous en reparler, parce que le Son des Blés, donc on l'a fait en extérieur cette année. Ouais, c'est pour ça la première fois. Chaud. Auparavant, c'est vrai qu'on les faisait en salle. Et l'année prochaine, on a espoir de le faire en extérieur, mais sur un site un peu plus grand, avec donc du coup deux scènes et puis un peu plus d'artistes et puis un peu plus tôt. Ah ouais, d'accord, c'est carrément, donc, ça devient alors un petit peu plus de coups de main. Ouais, parce que oui, après il faut faire des appels aux bénévoles aussi. Eh bien merci Albino de me proposer participation. Non, c'est vrai qu'on va rechercher là des bénévoles et puis aussi des mécénats, hein, parce que hélas ça a un coût tout ça. Ouais. Et on gagne pas obligatoirement de l'argent à chaque fois qu'on fait une édition, hein, hélas. Sinon, ça se saurait. On en ferait plus. Oui, il y a beaucoup de... Moi, j'ai vu dernièrement, j'ai même écouté dans une radio où ils parlaient justement des gens qui font des festivals depuis pas mal d'années. Et ils ont de plus en plus de mal. Hein. Aujourd'hui, ils rentabilisent tout juste. Voire même des fois pas. Ouais, ou pas du tout. Hein. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus de personnes qui investissent là-dedans, parce que simplement, dans les publicités, sponsors, etc., pour pouvoir payer les artistes. Ça, c'est une chose aussi qui est importante. Et puis, tout ce qui est matériel, hein, nous, c'est pas le nôtre, hein, c'est que de la location. Ouais, vous faites de la location, et puis évidemment, il y a un coût. Il hein. y a toutes les choses autour. Il y a aussi la SACEM qu'il faut payer. Il y a aussi. C'est vrai. Ah ouais. Tiens, on a un coup de téléphone là. La SACEM. Donc non, mais il y a tous ces trucs-là, les assurances. Et, ouais, il faut savoir qu'on fait pas des événements comme ça. Il y a plein de préparations à faire, et puis donc ça a forcément un coût. Même si c'est beaucoup de gens qui travaillent bénévolement. Mais on a des excellents burgers. Fait maison, attention. Oui, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de goûter. Effectivement, c'était des hamburgers, de la boucherie. Hein, viande de boucherie. La viande de boucherie, avec des frites et tout ce qu'il fallait. Frites fraîches. Et donc, c'est vrai qu'on a la possibilité de manger, de boire à cette occasion-là. Hein, Avec le système des épis pour le côté monétaire. Mm-hmm. Donc on échange une somme d'argent en euros contre des épis, et à partir de là, on peut aller se goinfrer de burgers éventuellement. Donc c'est ouais, non, c'est cool. Ouais, c'est toute une organisation. C'est donc chapeau à l'association Le Son des Blés. Et on les retrouvera donc le 2 septembre. Et d'ici là, à la limite, tu pourras venir nous en reparler pour justement... Alors je pense que je viendrai en reparler peut-être au mois de mars, vers le... Alors une semaine avant le 17 mars, par exemple, pour faire, parce qu'on va organiser une soirée sur la Saint-Patrick. D'accord. Ok, comme ça tu me recontactes, tu viens ici dans les studios, et puis on venait pour nous parler justement des événements que vous organisez. Très bien. Merci. Voilà, on parle depuis pas mal de temps, je pense qu'on va écouter un petit peu de musique. Hein. Alors vous n'avez pas apporté d'enregistrement, vous avez vos instruments qui sont là. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer plusieurs morceaux en live. Alors ce que je propose, c'est qu'à la limite, on passe un morceau, vous mettez en position pour pouvoir jouer, et derrière vous enchaînez un petit 1, 2, 3 morceaux, comme vous voulez. C'est toi qui nous avais prévu 25. Mais... D'accord, 25. Et il faut savoir que dans les émissions de Mavrika, on est des malades, hein, parce qu'on a fait des émissions qui ont duré jusqu'à 4h du matin, où il y avait 40 lives. Le record était tenu par... par un groupe qui, j'ai plus de nom là, tiens, je vois très bien leur visage, et du coup je me suis assez, bon ça va me revenir, hein, on va chercher ça, et en attendant c'est toujours eux qui ont le record jusqu'à 14h du matin, mais aujourd'hui on s'est calmé, on s'est assagi, on a vieilli aussi, hein, il faut quand même le dire, donc on est déjà dans la 13e année de Mavrika, et puis on a fait 527 émissions, donc aujourd'hui c'est la 527e, et nous recevons ce soir le groupe Swim Camille. Voilà. On va écouter donc une nouveauté. Donc c'est Elsia qui est déjà venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Elle reviendra parce qu'on est en contact. Elle nous a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Games et je No Games, No Games. Et justement, je vous propose de l'écouter tout de suite. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite, hein, deux voix féminines. D'abord Elsia avec No Games, et juste à l'instant c'est Anaïs from Paris avec Excès Nocturne. Voilà, donc moi ce que j'ai regardé pendant que j'écoutais la musique, c'est justement quels sont nos invités. Alors la semaine dernière, nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel Youth, avec lequel on avait passé un très bon moment ensemble. Et avec Youth, justement, on avait parlé de deux concerts. Et il y aura donc un concert demain soir. Voilà, bah, je me souviens plus l'endroit exactement. Donc je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, c'est Swing Camille qui est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 18 novembre, c'est le groupe Lajari qui viendra dans nos studios pour nous parler voilà de la suite de leurs aventures, puisque ça fait un petit moment qu'ils sont pas venus. Et en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de les recevoir, et il y aura du live bien entendu. On avait parlé tout à l'heure du mois de novembre, et on avait parlé aussi de Jesus Whiskey, et justement ils seront avec nous le vendredi 25 novembre, donc pour une émission spéciale. Alors pour le mois de décembre, chose bizarre, c'est que vraiment personne ne veut venir. Alors il n'y a aucune date de réservée. Alors il y en a pas mal qui m'ont dit oui, peut-être, je te donne une réponse, on attend encore. Donc pour l'instant le mois de décembre n'est pas réservé, et si vous avez envie de venir, le premier arrivé sera celui qui passera le premier. Donc le vendredi 6 janvier, on commencera l'année avec Alex Le Bay. Et le 20 janvier, il y a déjà du monde aussi, c'est la découverte d'un groupe qui s'appelle The Jig. Voilà, donc on les recevra ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on a même des gens qui ont réservé déjà pour le mois de février. Donc il y aura les Brunettes qui seront ici. Et le 24, donc ça sera le 3 février, le groupe Les Brunettes. Et le 24 février, il y aura donc Anaïs from Paris, donc un groupe de Paris qui viendra ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et c'est le groupe qu'on vient d'écouter juste avant. Donc on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités de ce soir, c'est Swing Camille. Et justement, on a beaucoup papoté tout à l'heure, on va peut-être écouter de la musique, et de la musique en live. Et oui, donc qui c'est qui parle vous n'avez pas de CD, donc vous faites que de la musique vivante, la musique live. Voilà. Et vous allez nous interpréter trois morceaux à la suite, hein, c'est ça, hein? Oui, voilà. Alors vous allez commencer par quel morceau? Un morceau qui s'appelle Danube. Danube. Qui a été joué par plein de gens, quoi. Mm-hmm. Après, on a J'attendrai. D'accord. C'est un morceau qui est connu. D'accord, c'est Dalida. Voilà, qui a repris ça, entre autres. Et après, un morceau qui n'est pas du tout manouche. Un petit morceau qu'on a piqué un peu de tout à droite à gauche, et puis on a mélangé tout ça. Et... Mais, voilà. Donc c'est un petit medley que vous allez nous faire Un arrangement à nous, quoi. Un arrangement, d'accord. C'est plus dans la country que dans le... D'accord. Voilà. Donc c'est un peu... Voilà, vous avez mélangé les styles, et ça c'est un truc qui est pas mal aussi. Adapter justement des morceaux country au jazz manouche, c'est ça? Non, là c'est pas du tout manouche. Non, c'est pas du tout manouche, d'accord. pour une fois, donc c'est l'exception à la règle. Voilà. Donc l'antenne est à vous, moi je coupe mon micro, et c'est quand vous voulez. Eh bien c'est parti. Thank you. bravo. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Soon Camille avec le morceau Danube. Et on continue avec un autre morceau qui s'appelle J'attendrai. Deuxième morceau en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Soon Camille. Et cette fois-ci, ils vont nous faire un petit morceau. C'est un arrangement à eux en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Sans le casque, j'ai un peu de mal. Thank you. Yeah. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Swim Camille, avec un petit arrangement country. Hein. Donc voilà, quand j'ai entendu les premières notes, j'ai reconnu tout de suite, il n'y avait pas de banjo. Hein. Parce qu'habituellement, c'est une guitare et un banjo qui se répondent, hein, c'est ça. Hein. Et donc voilà, et en plus, c'était apparu dans un film, je me souviens plus exactement. Comment ? Délivrance. Délivrance. Très bien. Bah voilà, c'est bien. Vous complétez un petit peu ce que je savais. Est-ce que vous avez envie de jouer encore un morceau en direct ou alors on s'en garde un pour tout à l'heure, hein, un ou deux ou trois ou quatre. Comme donc, on veut. Par contre, moi, je me suis souvenu entre temps parce que voilà, quand on est devant le micro, des fois, c'est pas évident. On a beau voir les gens. Donc tout à l'heure, je vous avais dit le record. Battu avec l'émission la plus grande, avec le plus grand nombre de live dans l'émission Mavrika, c'était avec les classiques Vibe. Voilà, un très bon moment. Donc c'est normal des fois que bon ça date déjà depuis pas mal de temps. Le nom m'est pas revenu tout de suite, mais comme ça on dit tout ce qu'il faut dans l'émission Mavrika. Voilà, du coup on va discuter un petit peu de vos projets. Donc on a parlé tout à l'heure des futurs concerts. Donc alors les dates qui sont vraiment définitives, quelles sont-elles? On va les rappeler à nouveau. Qu'est-ce qu'on a de confirmé à 100%? Confirmé dans fin janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Non, j'ai pas reçu le mail. On l'a pas reçu. D'accord. Donc, c'est pas encore. Il y a rien de certain alors pour l'instant. Si les concerts privés, ça c'est sûr. Ah, les concerts privés. D'accord. Oui, mais ils sont privés. Yes. Bon, si vous n'avez pas de date certaine, à la limite, au fur et à mesure qu'on les aura, on les partagera dans la page. Il y a une page justement qui est réservée à ça. C'est sur Facebook, c'est le nouvel agenda de Mavrika, où dès que je vois un truc qui passe, une affiche, un truc comme ça, je le partage. C'est des groupes de la région ou alors c'est des événements dans la région avec des groupes qui peuvent venir d'ailleurs. Donc voilà, je partage avec beaucoup de plaisir et ça permet aux gens de sortir et ça permet aux gens de se retrouver parce que bon on est beaucoup de passionnés comme ça et souvent quand on va dans des endroits on se retrouve donc ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de se retrouver dans des concerts justement on va pour voir les groupes et finalement on continue à discuter et puis à passer un bon moment en tout cas. Voilà, donc le groupe Swim Camille, donc 2016 c'était la date de votre rencontre. Le groupe est composé de Patrick, Pascal et Marcelin, donc le trio. Infernal. Infernal. J'ai pas osé le dire. On peut. Et donc, surtout après la répète. et en plus, vous faites donc de la musique, c'est du swing manouche, on va dire ça comme ça. Pas de chant. Et des fois, oui, il n'y a pas de chant. Non. Et aussi, à la limite, un petit peu de country aussi, hein, la preuve, hein, vous avez réussi à adapter. Vous en avez qu'un. C'était le seul. C'est le seul, d'accord. Un petit morceau un peu blues rock, bouillie. Oui. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que vous aimeriez pas qu'il y ait peut-être une intervention d'un chanteur ou d'une chanteuse dans certaines de vos chansons ou... Pour un petit bœuf ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, après c'est pareil, si la plupart des morceaux sont instrumentaux, c'est dommage d'avoir un chanteur qui vient que pour chanter deux ou trois chansons dans un set. Mais bon, un violon, pourquoi pas un violon. Un violon, oui, il y a beaucoup d'instruments qui peuvent venir se marier. L'accordéon. Ouais. On a eu l'occasion de jouer avec des accordéonistes. C'était à Bouzy-la-Forêt. D'accord. Il y a des gars qui on faisait notre à la fin de notre set et les gars sont venus et ils ont je sais même plus sur quel morceau, c'était La Foule je crois de mémoire. Oui. D'accord, emporté par La Foule, Edith Piaf. Très bien. Quels sont les comment? Je disais bravo. Bravo. là-dessus, c'est vrai que je me souviens assez bien des titres et des noms de d'artistes, même si des fois c'est un petit peu enfoui et puis ça a du mal à réémerger, mais ça me revient. Hein. Donc, je voulais savoir justement quelque chose qui vient m'échapper parce que du coup, je suis revenu un petit peu en arrière. Quel est le meilleur moment d'un concert? Vous avez parlé tout à l'heure justement des interventions de d'autres musiciens qui peuvent venir vous accompagner. C'est quelque chose que vous aimez ou alors le mec dès qu'il monte sur scène, il dira ah, ça y est, il y en a un qui va. Non, mais quand on sait à peu près ce qu'on va jouer, si le gars il connaît à peu près le morceau ou il se colle facile, ou non, c'est pas. C'est quelque chose que vous aimez bien, partager un petit peu la musique avec des musiciens qui viennent pas forcément de la même... pas du même horizon, non. Ouais, même horizon, même style musical. J'ai fait un bœuf à Lally en Val, au café de la mairie. Mm-hmm. Donc on avait joué avec un saxophoniste, un batteur, guitariste. D'accord. L'harmonica. D'accord, et c'était qui l'harmonica? C'était François. Bah, ça aurait pas été François, ça aurait pu être Dom. Il y en a très bon. Et puis il y a aussi celui des Chili Dogs. Oui. Ça me revient pas. Ça va me revenir. Il jouait avec Michel Moir. Voilà des bons harmonicistes dans la région. Hein, donc, ils sont pas nombreux, donc forcément on les retrouve facilement. Par contre, les guitaristes, si on devait les citer tous, il y en a un paquet. Oui, il y en a une poignée. D'accord. Et après, donc, partager des moments avec d'autres musiciens, ça, c'est un truc que vous aimez bien. Et après, quel est le meilleur moment tout à l'heure, vous m'avez dit, en rigolant, c'est le moment où on se sépare. On a fini de jouer, allez hop, ciao. Non, je pense que vous entendez bien, vous passez des bons moments ensemble. Et... Oui. Il y a des fois, il y a même des répètes qui finissent, quoi, qui font même pas répète, parce que, à une époque, on avait un rythme, c'était une répète sur trois qui était foireuse. D'accord. Donc on savait quand c'était la troisième. Non, c'est non, on faisait pas d'effort, hein. Non, du coup. Non, c'était pour une histoire qui était bonne plutôt. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que des fois je pose la question dans l'émission, et c'est vrai que des fois ils me regardent un peu en me disant, je dis, est-ce que des fois vous passez des bons moments ensemble, et des fois la musique finalement c'est un prétexte pour vous retrouver, et est-ce qu'il n'y a pas des répètes qui des fois ne sont pas vraiment des répètes, c'est-à-dire que moi j'ai vu, hein, il y en a d'autres qui me l'ont dit. Hein, c'est déjà arrivé avec le groupe Birmingham où c'était Moustapha qui m'avait dit on devait répéter, puis finalement on a mangé ensemble, on a passé un bon moment, et puis on a même pas pris nos instruments. Et des fois quand je parle à d'autres personnes, ils me disent non, nous dès qu'on répète on est sérieux, on bosse, on fait tout ça. Mais vous êtes un peu, vous aimez bien vous retrouver simplement, et puis le matériel il est vite sorti. Ouais, vous n'avez pas d'installation, vous avez votre salle de répète. Oui, soit c'est dans ma salle de séjour, soit c'est dans la salle de séjour de Marcelin ou dans celle de Patrick. D'accord. Et la dernière qu'on avait fait, c'était à la guinguette de Main-sur-Loire pour la fermeture de la guinguette de la capitainerie. Mmh, d'accord. Donc on va se faire une petite répète là-bas, et il pleuvait les cordes. Bon, voilà. Voilà, c'est des souvenirs. C'est vrai que bon, des fois, ça se passe pas comme on voudrait. Hein. On aimerait bien que des fois les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de pluie et tout ça. On s'est retrouvé dans un festival, pas un festival, une des scènes ouvertes à un verre. C'était bien sympathique. Et en fait, il y avait la partie Route 61. Avec les routes 61 entre autres. Ouais. Non, tu les as jamais reçus, Route 61? Non, mais on est ouvert. Hein, et en plus, il y a de la place, je l'ai dit tout à l'heure, au mois de décembre. Donc, il y en a plusieurs qui doivent me donner des réponses. Si tout le monde me donne des réponses, le mois de décembre est plein, mais aucun ne s'est encore prononcé. Donc, le problème a toujours été un peu comme ça. Bon, après, c'est pas grave. Hein, ceux qui passent pas au mois de décembre, il y a encore des places au mois de janvier, février, et ainsi de suite. Hein, voilà. À une époque, j'avais 6 mois d'avance sur le programme, mais le Covid est venu par là, et puis les 6 mois d'avance... Il a fallu que je m'excuse auprès de chaque invité en leur disant, bah écoutez, moi je voulais bien vous recevoir, mais la situation fait qu'on est obligé de tout annuler. Donc c'est ce qu'on a fait en 2020. Ouais. Ouais, c'était ça. Voilà, donc maintenant ça se relance, hein, effectivement, j'ai des gens qui viennent dans les 4 mois qui nous séparent justement de leur jour d'arrivée. Bon, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais bon, tout le monde l'a compris. Hein. Mais voilà, donc il y a encore quelques trous, et puis on va les boucher, vous inquiétez pas. Hein. Et puis dans le pire des cas, de temps en temps, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas d'invité, et qu'on diffuse justement tout ce que nos invités nous ont ramené, donc les morceaux enregistrés dans les studios, par exemple là les émissions sont enregistrées, il y a un podcast, ceux qui ont loupé l'émission pourront la réécouter, ceux qui l'ont appréciée pourront la réécouter, et ceux qui l'ont réécoutée, qui ont envie de la garder, ils peuvent aussi la télécharger et puis l'écouter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, c'est pour l'éternité, et c'est grâce à notre ami Florent qui enregistre chaque émission, et aujourd'hui il m'a dit je suis au poste, hein, t'inquiète pas, on enregistre les émissions et il y aura le podcast donc qu'on va partager très prochainement et que vous pouvez donc réécouter et télécharger. Voilà, merci Florent. Merci Florent. Voilà, donc on a parlé de plein de choses, hein, de musique et tout ça. Alors, est-ce que vous n'avez pas vraiment d'enregistrement. Vous êtes un groupe de live. Voilà. Oui. Voilà. Vous n'avez pas envie de faire un petit enregistrement ou... On y pense. Ah ouais, voilà. D'accord. Il faudrait qu'on trouve, qu'on cherche et puis qu'on s'y colle. Ouais, donc peut-être trouver un studio ou quelqu'un qui... Ouais, ou quelqu'un qui bricole. Ouais. Parce qu'il y a des enregistrements qui sont très bien, oui. Voilà, par des amateurs, il faut le savoir aussi. Oui, on n'a pas, comme on disait, là, on n'a pas de matériel, nous, donc... Oui, c'est capturer trois instruments. Est-ce qu'on est assez sérieux pour... Oui. Je voulais savoir aussi, on avait dit swing manouche, mais il y a aussi un petit côté jazz manouche, peut-être aussi. Est-ce que, comme le jazz, les morceaux que vous interprétez, est-ce qu'il y a une part de... d'improvisation? Eh ben, tous les morceaux sont construits un peu pareil, c'est-à-dire qu'on lance le thème, après on part en impro, on refait le thème et c'est la fin. D'accord. Donc en principe, c'est tout ce qui est jazz, c'est basé comme ça. Ouais. Donc il y a des phrases qui reviennent et vous pouvez à la limite en mettre une de plus si vous voyez que les gens ils apprécient. La plupart du temps, c'est moi qui improvise. Si je me sens bien, je peux en mettre. Je peux rallonger. Si sur ce pensée-là, je ne suis pas à l'aise, on le raccourcit. Ouais, parce que le rythme, voilà. La contrebasse, c'est la même. Et oui. Toi, par contre, tu peux partir sur un petit délire, voilà. Et puis ouais. Faire un petit solo un peu plus long. Ou... Il y a des jours ça va, des jours ça moins bien. Ça dépend. Oui. Alors quand tu vois que ça va bien, bah, tu as envie d'aller toujours plus loin. Et le jour où tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, je vais me calmer, je vais faire le strict minimum. Ouais. Parce que je ne suis pas au top. Voilà, on est tous comme ça. Hein. Il y a des jours, on dirait que tout se goupille comme il faut. Et d'autres jours où à chaque fois on se dit tiens aujourd'hui c'est pas mon jour. Tout ce qu'on lance, même si on a beau tout calculer, ça se passe jamais comme on veut. Ouais, quand on sait pas couper un bout de doigt juste avant, ça arrive aussi. Ça c'est les accidents, ça peut. Voilà. Voilà, justement, j'allais vous demander quel est, si vous pouviez nous raconter un des délires, une petite anecdote qui arrivait lors d'un de vos concerts ou un truc comme ça. Donc, couper le doigt, c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la cuisine le matin, moi, puis j'ai des couteaux qui coupent à la maison, donc je me suis entaillé l'index gauche, donc celui qui sert beaucoup pour jouer, quoi. Puis le pansement, il a lâché, ça gicle un peu. Et puis ça fait mal quand on joue, surtout, parce qu'en plein sur la coupure. Ouais. Mais bon, ça c'est... Oui, c'est sûr, c'est pas évident. Moi, j'avais vu une fois, c'était en direct, hein, c'était un concert de rockabilly, où il y avait justement un guitariste qui avait donné un coup de guitare au chanteur. Et comme il y avait la corde, ça l'avait blessé, ça saignait. Ça saignait le long de son visage. Il a continué à chanter pendant tout le concert avec le sang. Mais bon, il avait assuré son truc et tout ça. Et malheureusement, voilà, des fois, on se blesse, hein, même les musiciens. Hein. Il n'y a pas que les travaux dits pénibles. Peut-être que les musiciens, c'est des travaux pénibles, non? Ah ouais, on touche des grosses primes pour ça. C'est pour ça que tu es parti à la retraite beaucoup plus tôt. Ah oui. Très bien. Voilà. Vous voulez nous interpréter encore un autre morceau ou... On peut. Ouais. Alors, je vous laisse vous mettre en place tranquillement. Je peux envoyer un petit morceau si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. On va faire ça comme ça. Et puis, justement, après... Voilà, le morceau n'était pas calé, donc je le cale. On va écouter un morceau d'un groupe que vous connaissez. D'ailleurs, c'est le groupe Tourneuf. Ah oui, Tourneuf. Voilà. Qui sont venus au festival, le son des blés. Voilà, c'est là que je les ai rencontrés la première fois. C'est vrai. Et après, ils sont venus aussi ici, dans les studios d'Orateur Arc-en-Ciel. Donc, c'est des gens charmants. En plus, ils ont un son super agréable. Mm-hmm. Ils mélangent le ska, le reggae, le punk. Il y a un petit peu tout ça. Et puis, j'ai eu l'occasion de retrouver quelques membres dernièrement lors d'un concert. Alors, le groupe s'appelle Tourneuf. Ils ont participé au son des blés. C'était l'année dernière. Deux ans. Oui, il y a voilà, deux ou trois ans. Bah, deux ans la dernière année avant le Covid. Ouais, donc voilà, c'est 2019. Ça. Donc, 2019. Donc, ça fait trois ans quand même. Ça, le temps passe vite. Hein. Et donc, entre-temps, ils sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On avait passé un bon moment avec eux. Et je propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle James Carter. petit, il s'est retrouvé sur cette île abandonnée, garantie à devoir crever ou survivre toutes ces années. Turn-Off qui était venu il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et le titre c'était James Carter. Donc maintenant on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités qui n'ont pas d'enregistrement mais qui vont jouer en direct live dans nos studios. Il s'agit du groupe Swim Camille, cette émission numéro 527, l'heure est consacrée. Donc on va tout savoir sur le groupe hein, et on va surtout écouter de la bonne musique. Alors il y a trois morceaux qui vont être interprétés les uns à la suite des autres. Alors le premier, il est en anglais, c'est It Had To Be You. Voilà. Ensuite, ça sera une rumba gitane. Et ensuite, voilà un titre que de Boris Vian, si je me trompe pas, c'est On n'est pas là pour se faire engueuler. Voilà. À vous, les Swim Camille. vraiment en direct, hein, sans filet. Les morceaux sont interprétés sans aucun problème, hein, voilà, par nos artistes. Là, ils sont modestes, ils sont en train de dire ouais, non, franchement, vous jouez en direct. Il y a pas de d'effet spécial ni quoi que ce soit. Vous êtes dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Il y a 3 micros sur chacun des instruments. Non, il y a un micro sur chacun des instruments ou 3 micros sur l'ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous interprétez donc 3 morceaux à la suite. Le premier, c'était donc It Had to Be You. Et la deuxième, c'est la rumba guitare. Deuxième morceau interprété de cette série, hein. Ça fait déjà, depuis le début, ça fait déjà le 5e. Donc c'était la rumba gitane interprétée par les Swing Camille. Et puis maintenant on va écouter On n'est pas là pour se faire engueuler. On n'est pas là pour souffrir. Hein. Bravo, le groupe Swim Camille, on n'est pas là pour se faire engueuler, une reprise donc de Boris Vian, ben, ça nous fait vraiment plaisir. Je vais vous laisser le temps de vous installer, on va continuer à découvrir le groupe Swim Camille. On sait déjà pas mal de choses, hein. On sait que le groupe est composé de 3 personnes, ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, 2 guitares, 1 contrebasse, donc il y a Patrick, Pascal et Marcelin, ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ils nous ont déjà interprété 6 morceaux, donc le Danube, J'attendrai, un arrangement country, I Had to Be You, rumba guitare, gitane, pardon, et on n'est pas là pour se faire engueuler, voilà. On peut se tromper, hein, voilà, ça arrive aussi. Hein, et celui qui tousse, c'est Patrick. Ah, t'as attrapé le Covid là, ça y est ? Oh, oui. Oui. Non. Après, oui. Voilà, donc installez-vous, hein, on va continuer à discuter un petit peu. Alors pourquoi vous avez parlé de tout à l'heure de la musique swing manouche. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous cette musique-là ? Moi, quand je l'écoute, ça me fait penser déjà au soleil. Moi, c'est quelque chose de très ensoleillé pour moi. Non, ça. Alors, on va dire c'est plus le flamenco qui vient d'Espagne, ça. Ça, ouais, ça vient d'Inde. Ouais, mais même le voilà, ça, qu'est-ce qui vient d'Inde, le swing ? Les manouches. Ah oui, les manouches, oui, à l'origine, ils viennent d'Inde, tout à fait. Ils sont venus par les pays de l'Est, d'autres sont venus même par l'Afrique du Nord, hein, il faut le savoir. Ils sont passés, ils sont enrichis de la musique arabe aussi. Ils ont amené pas mal de choses différentes. Donc, forcément, le soleil peut-être. Et moi, ça, un voyage aussi. Je vois bien un train ou une voiture, on avance et le, voilà, c'est guitare, les guitares et tout ça. Non, c'est... Je sais pas. Les caravanes. Les voilà. Caravanes, ouais. On jouera caravane tout. D'accord. Non, je préfère quand même vous dire que vous jouez avec les guitares horizontalement, hein, et pas verticalement. Oui, voilà. Parce que ça peut être un problème aussi de place, parce que dans les caravanes, des fois, on peut pas. Là, c'est une petite blague par rapport au Gypsy King, oui. Et tout ça. Voilà. Et quels sont les artistes dans ce style musical qui vous ont le plus influencé? Déjà, on a écouté pas mal de morceaux qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément du swing, mais que vous avez adapté. Mais il y a aussi peut-être des artistes du swing que vous avez envie de citer ce soir. Moi, j'aime bien Tchavolo, qui c'est les pays de l'Est, moins pays de l'Est de la France. D'accord. Il y a un peu de clan Paris et Strasbourg, quoi. L'Alsace. D'accord, dans ce style-là, il y a. Et côté Alsace, ça bourrine un peu plus, quoi. Ah ouais. C'est plus. Voilà, et Tchavolo, j'aime bien. D'accord. D'autres artistes que vous avez envie de citer ? Il y en a plein, mais bon, voilà. Après, bon, il y a le. Le standard. Le plus grand, Mireille Lagraine, par exemple, ou voilà. Et après, il y en a plein d'autres, quoi. Mm-hmm. Bon, on a Roman, on a fait pas mal de transcriptions là-dessus. Parce que les manouches. Ça ne délivre pas beaucoup d'informations. D'accord. Ouais, bah, la référence est Django Reinhardt. Django Reinhardt, oui, qu'on a beaucoup cité. Hein. C'est vrai que ouais. quand on parle du jazz manouche, swing manouche, c'est le premier nom qui vient. Hein. D'ailleurs, à propos de Django, vous savez qu'il avait joué avec 2 doigts. Il avait cramé dans la caravane, donc il s'est retrouvé atrophié de 2 doigts. D'accord. Et il jouait la guitare uniquement avec 2 doigts, quoi. Ah ouais, d'accord. Et nous, on joue avec 4 doigts. Donc on peut dire qu'on a 2 doigts de jouer comme lui. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que jouer avec 2 doigts, on imagine, pour un guitariste, avec 2 doigts en moins, c'est pas évident. Mais effectivement, moi j'ai déjà vu une fois, je me souviens plus exactement quand, mais dans un concert, il y avait quelqu'un qui avait des doigts qui étaient, il pouvait pas les déplier. Ouais. Et il jouait avec les doigts comme ça. Et on se disait, et le pire, c'est que si on le savait pas, si on l'avait pas vu, il jouait tout à fait bien, quoi. Et on s'est rendu compte qu'effectivement il avait un handicap, et ce qui n'empêche pas, hein, même avec certains handicaps, certaines personnes sont quand même des virtuoses dans leur art. Voilà, c'est donc Django Reinhardt. Et il y a des puristes dans le style qui se mettent du scotch sur les 2 doigts pour bloquer, pour jouer. Ah oui, pour jouer vraiment comme lui. Comme lui. D'accord, très bien. Bon. C'est pour avoir le même son, parce qu'avec 2 doigts, forcément, il ne fait pas les mêmes accords que nous. Et... et ça donne un son différent en fait. Bah oui, forcément, ouais. Parce que lui, quelque part, il doit tricher quelque part comme il peut pas jouer les cordes indépendamment, Nous, il est obligé quand on joue une gamme, on la joue verticale sur le manche, alors que Django Reinhardt lui a appris à jouer à l'horizontale sur le manche. Ouais, donc il se déplace beaucoup. Il se déplace énormément. Voilà. D'accord. Bah voilà, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, mais qu'on apprend grâce à vous sur ce grand artiste qui est Django Reinhardt. Très bien. Donc d'autres artistes encore que vous avez envie de citer? Stockelo Rosenberg, par exemple. Mm-hmm. En trio Rosenberg. C'est bien, parce que moi, il y a des noms que je ne connais pas, mais comme vous êtes des spécialistes, je vous donne la parole pour justement pouvoir en parler Steve un peu. Steve Lafond, que j'aime bien aussi. Lui, c'est pareil, ça bourrine bien. Il a une version de Minor Swing qui est top. Mm-hmm. C'est bien de citer tous ces artistes, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, justement, de ce style musical. Oui, c'est rare. Très bien, donc on a parlé des gens qui vous ont influencé, les gens que vous aimez dans ce style. Et vous avez parlé tout à l'heure que vous venez aussi d'autres groupes. Donc vous avez joué dans des groupes de rock, hein. Tout à l'heure Pascal m'a dit ça et Patrick aussi. Alors Patrick, tu avais joué dans quel groupe? Heurdiz. Les Heurdiz, voilà. Qui étaient venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Bread and Duck, c'était Pain et Canard, c'est ça. Après, il y a un autre groupe aussi, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, tu as joué avec pas mal de groupes différents. Moi, je t'avais connu avec les Heurdiz. Hein, ouais. Les calamars. Les calamars. D'accord, les calamars. Pourquoi pas. C'est le premier groupe d'ailleurs. La musique espagnole, non? Non, c'était, on commençait déjà un peu à faire du swing. Ah, d'accord. On avait de la variété anglaise, des gueules, ces trucs comme ça. Et puis, on partait un peu sur du morceau jazzy. Quoi. D'accord. Et après, ça s'est arrêté. Bah c'est bien de citer ces groupes, parce qu'il y en a certains qui sont oubliés. Même la preuve, c'est que même toi, tu as oublié le nom de certains groupes. Mais c'est bien d'en parler, parce que ça fait partie de l'histoire, quoi. L'histoire de la musique sur Orléans, hein, en tout cas. Donc, voilà, les Calamars, les Heurdiz. Et le troisième, tu m'as dit? Bread and Duck. Bread and Duck, OK. Et toi, Pascal? Alors, le dernier, c'était La Famille. La Famille, oui. J'avais entendu... Avant, c'était quoi? Atmosphère. Atmosphère. Ouais, atmosphère, attention, les atmosphères et tout. 16S, j'ai joué dans quoi d'autre? Automatic Rock, Pax Soul Best. Ouais, une poignée de ça, ouais, voilà. Je dois en oublier un ou deux, mais ça n'avait pas dû durer très très longtemps. Et sinon, vous avez commencé à jouer assez tôt, toi Pascal, toi Patrick? Moi, je jouais de la guitare quand j'avais 16 ans. Quoi. Ah ouais? Donc, c'est pas si vieux que ça. Alors, puis, ça fait 2-3 ans, quoi, c'est tout. Voilà, puis j'ai repris 35-40, je crois. Parce que mon voisin avait un groupe et le guitariste partait. Donc, il m'a demandé, tu veux pas venir jouer? Donc, je suis venu avec une guitare sèche, il manquait deux cordes dessus. donc, j'arrivais là-haut. Et ils avaient pas mal de compos, quoi, c'est leur disque. Et puis... Donc je me suis remis à la guitare, j'ai racheté un ampli dans un vide-grenier avec une guitare, 80 francs. Tu les souviens, il y a des jeunes choses qui reviennent. Du coup, je suis resté. Et deux cordes en plus. Ah ouais. Et puis, on a dû jouer 15 ans, je crois, avec ce groupe-là. D'accord, très bien. Donc, le groupe aujourd'hui, il n'existe plus? Non. Voilà. On a dû faire 200 concerts. Ah ouais, quand même. Je me souviens une fois, j'avais été à Orléans, et puis qu'est-ce que je vois? Je vois c'était un petit camionnette que vous aviez, Heurdiz, et puis j'étais à côté, j'ai klaxonné, je vous avais fait un petit signe. Je me souviens, vous aviez été en concert à Orléans, et puis moi je revenais, je sais pas d'où, et puis j'ai dit, tiens, les Heurdiz, c'est des gens qui sont venus chez moi dans l'émission Mavrika, donc je vous avais fait un petit coucou. Comme quoi, vous avez beaucoup tourné quand même. Toi, Pascal, ça fait combien de temps? J'ai dû commencer, je devais avoir 16-17 ans, à la basse. Mm-hmm. Et puis à la contrebasse, là-bas, depuis 2016. 2016, voilà, t'as changé. Non, au tout début, j'avais pas de basse, j'avais une basse acoustique. Quoi, j'avais pas de contrebasse, pardon. J'avais une basse acoustique, mais ça sonnait pour bien. Bah, oui, pour du grave, il faut du volume, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, et puis en plus, au début, les toutes premières répètes, il m'a filé la moitié des infos, des notes. Ouais, ils ont dit, ouais, c'est en gros, il y a un peu de ça dedans. Comme ça, c'est les manouches. C'est brouillé. Ok. Et toi, Marcelin, tu avais joué dans d'autres... Alors, moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Moi, j'ai commencé avec Patrick. Ouais. Avec Patrick. Voilà, tu restes avec Patrick. Et Pascal, bien entendu. Ouais. Très bien. Moi, je venais nulle part ailleurs avant. Très bien, bah, impeccable. Donc, comme ça, on sait un petit peu plus. Et justement, est-ce que vous avez des groupes que vous continuez de suivre? Parce que, bon, on a parlé de Turneuf, on a parlé de plein de groupes, des Dirty Charlie, etc. Est-ce que vous avez d'autres musiciens que vous avez envie de citer, des gens que vous avez rencontrés dernièrement? Vous avez envie d'en parler un petit peu dans l'émission Mavrika? Bah, moi, je vais régulièrement, quand il y a des petits concerts dans les bars, tout comme ça. Le dernier, qu'est-ce que je sais plus. Michel Noir à Saint-Y, je crois. Mm-hmm. Les Caméléons. Les Caméléons, ouais. Qui tournent aussi pas mal. Elixir. Elixir, ouais, voilà. Bah voilà, c'est des noms, c'est des gens qui sont déjà venus, hein, Caméléon, Elixir. Mais ça fait un petit moment, ça serait bien qu'ils reviennent, hein. Les Hobby Blues ouais. aussi, ouais. Ouais, bah, je suis en train de chercher. Après, oui. Il y en a tellement. Bah si, donc, ouais, les Routes 61, qu'on avait rencontrés il y a de ça quelques années. Très, très, très, très sympa. Les Oreilles qui saignent, mais bon, on a déjà parlé tout à l'heure. Ouais, Les Oreilles qui saignent, ouais, tout à fait. Donc, en plus, moi, je les avais découverts par hasard. C'est-à-dire qu'un jour, je cherchais la musique de David McLean. Et je vois la bouteille de rhum repris par Les Oreilles qui saignent. Et un jour, je reçois David, je lui dis, tu savais? Oui, oui, c'est des amis, ils ont repris une de mes chansons. Et donc, j'étais content de retrouver cette chanson-là, justement, interprétée au son des blés, là, justement. Et après, ils font pas mal de reprises aussi, hein, oui, de plein de choses différentes. Hein. Chansons françaises, essentiellement. Oui, oui, c'est la chanson française, hein, c'est vrai que... Et puis, ils aiment bien aussi le côté marin, un petit peu. Oui, donc... oui, ils sont d'origine bretonne, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être pas, mais après, c'est du côté musical. Moi, je connais certains groupes. D'ailleurs, il y en a un groupe qui s'appelle les Marines, que j'ai déjà passé ici dans l'émission, des morceaux, je les ai eus en concert. Et c'est un groupe qui fait des chansons de marins, souvent. Hein, et c'est un groupe qui est alsacien. Donc, il n'y a rien à voir, il est carrément à l'opposé. Mais bon, rien n'empêche. Hein, voilà. Très bien. On va écouter encore un petit peu de musique. Je propose qu'on écoute le groupe qu'on va recevoir la semaine prochaine. Très bien. On va écouter le groupe qu'on reçoit la semaine prochaine, c'est le groupe La Jarrie. Il y aura une petite surprise, ils vont pas venir tout seuls, hein, il y aura une personne en plus. Et en tout cas, on est vraiment content de les recevoir, parce qu'habituellement, ils reçoivent toujours dans le courant du mois de décembre, chaque année. Avec le Covid, ça a tout perturbé, et du coup, ils vont venir un peu plus tôt, au mois de novembre, donc le 18 novembre, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il y aura le groupe La Jarrie qu'on écoute tout de suite. sur du arc-en-ciel. Dans la fabuleuse émission de Madrigal, tous les vendredis soirs, 96.2, retrouvez tous les groupes de la région centre. Monsanto, vous dérangez, j'ai tout le système, mon GM. Voilà, donc un petit souvenir. Donc c'était dans l'émission numéro 187, sachant qu'aujourd'hui nous sommes dans la 527e émission. Donc ça fait déjà un petit moment. C'était le groupe Heurdiz avec un morceau qui a été enregistré ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel en direct live, comme ce soir nous recevons les Swim Camille. Et justement, le morceau s'appelle Cereal Killer. Donc un petit côté aussi son déblé peut-être, hein. Cereal Killer. Et juste avant, c'était le petit jingle des Heurdiz qui nous avait laissé à ce moment-là. C'est moi qui avais fait les paroles des deux morceaux d'ailleurs. Voilà, vous l'aviez interprété, on l'avait gardé et on a écouté avec beaucoup de plaisir. Donc on revient à quelques années en arrière. Donc c'était une surprise pour Patrick, hein, il n'était pas du tout au courant. Et on avait commencé donc cette série musicale avec La Jarry, un morceau qui s'appelle Mea Culpa. Et je vous rappelle que le vendredi 18 novembre, donc la semaine prochaine, les La Jarry seront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. Et donc on va passer un bon moment, ça c'est certain. Et il y aura, à mon avis, beaucoup de live aussi. Et ben on va continuer justement avec du live, avec le groupe Swim Camille, qui vont nous interpréter encore quelques morceaux, puisque nous en avons déjà interprété 6. Hein, ils font partie des groupes qui sont très généreux au niveau des lives. Hein, parce qu'il y en a certains, des fois, ils en préparent 2-3, mais vous, déjà 6, et vous allez en faire 4 autres. Ah oui, mais on se met plus dans du morceau un peu plus récent. D'accord. Les morceaux purs manouches, bon, pas beaucoup connaissent, quoi. Mm-hmm. Donc on leur met des... Ils nous ont pris, d'ailleurs. Et là, on leur met... on joue des petits morceaux plus de variété, quoi. Voilà, des morceaux que vous avez réadaptés, finalement, oui. Mais des morceaux que tout le monde connaît. Voilà. Alors, vous allez commencer par quel morceau? Un morceau de Dassin. Jude Dassin. Ouais. Qui s'appelle? Il s'appelle Siffler sur la colline. D'accord, très bien. À vous de jouer. Donc je baisse le son, je coupe mon micro puisque moi je chante pas. Et je vous laisse donc l'antenne. Chanson de Joe Dassin, Siffler sur la colline. Un peu de calard, mais on rigole bien ici. Donc, le problème, c'est de jouer sur des chaises à roulettes, des fois ça glisse. D'accord, non, mais tout s'est bien passé là, impeccable. Oui, regarde, ben. Voilà, donc, ouais, non, c'est le côté un petit peu improvisation. Voilà, donc, le morceau suivant. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est aussi magnifique que le précédent. Luis Mariano. Thank you. Donc, deuxième interprétation, voilà. La troisième maintenant. Et la troisième, c'est La foule. La foule. Édith Piaf, donc, emporté par la foule. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Merci la foule. C'était la foule. Donc, une reprise d'une chanson de Édith Piaf par les Swing Camille. Et on continue encore avec un morceau. Allez hop. Ah, il suffit de leur demander. Voilà, ils sont en train de regarder. Alors All of Me. All of Me. Thank you. Vous avez tout donné, all of me, voilà, tout de moi. Voilà, donc le quatrième morceau en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On se fait une petite série avant la fin, non? Comment ça se passe? Comme tu le sens. D'accord, ben on reparle un petit peu et puis après on fera une petite série. Ce que je propose, le temps que vous vous installiez à nouveau pour discuter un petit peu avec nous, on va écouter encore un morceau d'une artiste. Voilà, donc tout à l'heure on avait parlé de d'un artiste qui s'appelle qui, voilà, le nom me revient plus encore une fois. Donc Jekyll Wood, voilà, Jekyll Wood. Et Jekyll, il est il travaille avec un monsieur qui s'appelle Gaspard, et Gaspard m'a fait connaître aussi une autre artiste qui s'appelle Lia, on l'a déjà écouté dans l'émission Mavrika, et je propose qu'on écoute tout de suite, ça s'appelle So Tired. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. I can see. Bye. psychic frenzy jerking you around. Now that we're just stuck in our skin, a combination resumes in a human being. When I hear, I'll tell you why. L'IA avec So Tired, et juste après, on en parle depuis tout à l'heure, c'était Monsieur Jekyll Wood avec Who You Are, voilà, donc qui a participé, voilà, c'est une personne que je suis depuis pas mal de temps et qui a participé au dernier Son des Blés, donc il était important de le dire. D'ailleurs, il y a des photos qui ont été partagées, des photos du Son des Blés, hein, parce que on était plusieurs photographes, il y a eu pas mal de choses de faites, et vous pouvez retrouver ces photos-là, en tout cas les miennes, sur Mavrika photo de concert. Vous allez sur Facebook, vous cherchez Mavrika photo de concert, et il y a eu pas mal de concerts dernièrement, puisque j'ai un petit peu plus de temps pour m'en occuper, et j'ai pu faire pas mal de photos. Donc allez retrouver donc toutes les photos des concerts sur cette page. Voilà. On a aussi un petit site sur sur le Son des Blés. Son des Blés, le Son des Blés, tout Son simplement. Des Blés Festival. Mmh. C'est un site, ou sinon .fr, pardon. .fr, ouais. Et ou sinon sur la page Facebook. Facebook aussi, oui. Très bien, donc c'est bien de le dire. Donc c'est les gens qui veulent vous contacter pour éventuellement peut-être des artistes qui veulent jouer, ou alors des gens qui voudraient se renseigner. Oui, ou si il y a des personnes qui veulent nous faire, qui veulent nous sponsoriser, ouais. Le Sénat, avec la possibilité de récupérer au niveau des déductions des impôts, mm-hmm. Parce qu'on est d'utilité publique. Voilà. Et aussi, si vous avez envie d'aider, tout simplement, et venir avec vos petites mains et vos petits pieds, bénévoles, et puis les bénévoles, donc il en faut, parce que ces associations-là, ils ont besoin de bénévoles, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de passer un bon moment ensemble et de partager ces bons moments autour d'une scène. Ou de deux scènes. Ou de deux scènes. Avec ou de un deux burger, scènes, en plus, une petite bière. Avec une petite, voilà, ou plein une boisson sans alcool aussi, bien sûr. On a, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hot dog, crêpes. Très bien. Ce qu'on peut redire aussi, c'est que maintenant, on sait aussi la date du prochain Mavrika Live, hein, puisque effectivement, le prochain Mavrika Live, tout le monde nous posait la question, c'est quand, le prochain, c'est quand. Et donc, on a... une seule date pour 2023. On n'avait pas vraiment le choix. Ça sera le 10 juin. Et donc, ben, retenez cette date-là dès maintenant. Et on est en train de contacter justement tous les intervenants, ceux qu'on avait prévus pour le Maverick à Live numéro 12 qui a été annulé à cause du Covid. Donc, on va leur demander s'ils sont toujours partants. S'ils sont partants, c'est OK. Sinon, ben, on sélectionnera d'autres artistes pour ce jour-là. Voilà. On est en train de commencer à voir. Déjà, pour la sono, c'est bon. C'est notre ami Bruno Cardin qui viendra, comme d'habitude, et il m'a dit, OK, on sera là, donc on peut compter sur lui, et ça nous fera vraiment plaisir de le retrouver, puisqu'on le voyait régulièrement grâce au Maverick Alive, et là, il y a une petite coupure, donc je pense que pour beaucoup de choses comme ça, on a perdu un petit peu des contacts, et là, j'espère que ça repart, et qu'on pourra encore faire beaucoup de Maverick Alive, voilà. On va peut-être continuer encore avec un petit peu de morceaux en live. Mm-hmm. Mm-hmm. Combien vous allez nous faire de morceaux là? Au moins 4. 4. Oh, bah, très bien alors. On a commencé sur des séries de 3, après on est parti ouais, en 4. On est passé à 4 bon, et puis après je à la fin de l'émission, je vous laisse et puis moi je reviens demain et vous jouez jusqu'à demain. Je voulais vous poser une question justement, combien de morceaux vous êtes capable d'interpréter comme ça et ça peut vous faire tenir combien de temps justement en concert? Les morceaux sont très courts quand même. On a peut-être, je sais plus, 30... Ouais, une trentaine. 30, une trentaine 30, de morceaux que vous jouez régulièrement, ouais. Mais ils sont très courts, donc... Oui, il y en a qui sont courts. Du à peu près 1h30, 2h de... Ah bah ça fait déjà un bon set, hein. Ouais. Sauf que si les morceaux sont trop longs, ça lasse un peu. Mm. Ouais, et puis s'ils sont courts, à la limite, si vous avez envie de les faire prolonger un petit peu, vous savez le faire aussi, oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Très bien, donc je vous laisse l'antenne. Je coupe la petite musique de fond, je vais couper mon micro. Et donc le prochain morceau s'appelle... Douce ambiance de Django Reinhardt. Douce ambiance. Bravo, donc c'était Douce Ambiance, un morceau de Django Reinhardt, interprété par le groupe Swim Camille, qui est notre invité de cette émission numéro 527. Voilà. Ensuite. Morceau de saison. Un morceau de bientôt de saison. Bientôt, oui, parce que j'ai entendu qu'on n'en a pas eu. De la neige. C'est la neige ? Oui. Très bien, à vous. Étoile. Étoile des neiges, d'accord. Sun Camille qui interprète Étoile des neiges. Voilà. Le morceau suivant. Alors, je vois Pascal qui tourne les pages, qui cherche. Voilà, tu le tiens. Alors, comment ça s'appelle? On en parlait tout à l'heure. Oh, c'est un mix de deux morceaux. Un mix de deux morceaux, oui. Très bien. Donc, on le reconnaît ou... Le premier, il n'est pas très connu. C'est un morceau de Jorgensen. Un guitariste manouche. Et le deuxième, Duke Ellington, Caravan, qui est plus connu. D'accord, très bien. C'est à vous. Thank you. direct de live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Swim Camille. Voilà, ils sont en train de jouer vraiment en direct. Hein. Il n'y a aucun truc, aucun artifice, rien du tout. Et trois instruments acoustiques capturés par des micros. Et on fait comme de la radio à l'ancienne. Donc ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ici et de partager ces bons moments. Donc encore un morceau ? Oh oui. Oh oui. Le dernier, un standard celui-là. Un standard. Tout le monde joue ça. Donc, d'accord. Une soirée bub, c'est idéal pour ça. D'accord. Le titre ? Ouais, le titre. Les yeux noirs. Les yeux noirs ? Ouais. Très bien. À vous. Direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Swing Camille, avec un morceau qui s'appelle Les Yeux Noirs. Voilà, quatre morceaux à la suite. Et puis, c'était pas les premiers, puisqu'il y a déjà eu plusieurs séries. C'est la quatrième série, donc les deux premières en avaient trois morceaux. Et les deux suivantes en avaient quatre. Donc, ça fait un bon paquet quand même. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Swing Camille. Voilà. Julien Lepers qui nous a dit de faire quatre à la suite. Quatre à la suite. Ok, bah Julien, bah, si tu nous écoutes, si tu écoutes. On te fait un petit coucou. Dehors, mais bon, c'est pour ça qu'il n'y avait jamais de ballon sur son émission, parce que Julien le perce. Ok. Ok, d'accord. Donc, très bien, vous êtes à la radio. Est-ce que vous avez envie de faire passer un petit message auprès des auditeurs ? Le message principal, déjà de bonnes fêtes de fin d'année, on s'en rapproche. C'est vrai qu'on s'en rapproche. Non, on s'en verra pas d'ici là, donc autant qu'on en profite aujourd'hui. Non, et puis pour tous les groupes, tous les musiciens, tous les intervenants, tous les artistes, quels qu'ils soient, qui passent une bonne année, qu'on n'ait pas trop de problèmes avec la santé, la sécurité du territoire. Ouais, avec plein de choses hein, qui nous menacent un petit peu. Hein. C'est vrai que la vie n'est pas très très très belle en ce moment. Quand on regarde les informations, alors là, il y a rien de pire que ça pour nous faire baisser le moral. Mais enfin bon, on reste positif hein, parce qu'il y a toujours. Il faut savoir qu'il y a toujours des bonnes personnes et puis c'est cela qu'il faut trouver pour passer des bons moments. C'est ça le plus important. Donc il faut mieux construire que détruire. C'est beaucoup plus facile de détruire, mais construire c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc on espère que l'année prochaine sera beaucoup plus constructive que celle qui vient de passer. Voilà. Très bien. D'autres choses encore ? Petit rappel pour le festival du son des blés, le son des blés festival.fr, ouais. La page Facebook, notre date du 18 mars pour la Saint-Patrick et du 2 septembre pour le festival en plein air. Après 2023, on a deux soirées privées. Mmh. On en a une à Orme, la deuxième à côté de Lille. D'accord, vous vous déplacez carrément dans la France. Attention. Ah oui. Donc si les gens, par exemple, vous contactent à travers le Facebook, hein, c'est la manière la plus simple, hein, je pense. C'est exceptionnel pour Lille. Hein. c'est le mariage de mon fils. D'accord. C'est quand même oui. Quelque chose d'exceptionnel. Effectivement. Mais bon, si quelqu'un vous demande dans le coin, c'est facile. Oui, oui. Un peu plus loin, après, c'est une question de s'organiser, page, peut-être, ouais. Non. Oui, ouais. Et puis bon, après, faut voir à la distance, et puis... S'il y a beaucoup de matériel ou pas beaucoup de matériel aussi à déplacer. Bah, s'il y a de la place pour ranger un smirmort, par exemple. Oui, ou pas, c'est... Ou... Parce qu'il y a trois instruments, puis il y a 12 palettes de bière. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Bon. Très bien. Donc, nous, après l'émission, on a quelque chose de très important à faire. Hein. On va pas dire quoi, mais vraiment quelque chose de très important à faire. Les photos, entre autres. Voilà. D'autres choses encore à ajouter? Non, on voudrait remercier tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont eu la patience de nous écouter. Merci à toi de nous avoir accueillis. Ah bah, c'est un plaisir toujours de vous recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour passer un bon moment, hein, parce que en plus on se connaît déjà depuis pas mal de temps, on est content de se retrouver à chaque fois. On parle de musique, on aime parler de plein de choses différentes. Hein. C'est ce qu'on a fait un peu dans l'émission Maurica. Donc on parle, on écoute de la musique et voilà, on passe des bons moments et c'est ce qu'on a envie de partager avec nos auditeurs depuis pas mal de temps. C'est ce qu'on continue à faire. Vous les connaissez les phrases magiques? La première, c'est que le rock and roll soit avec vous, que le swing manouche soit avec vous, que la musique en général soit avec vous. Ouais, ça c'est important. Everything is gonna be alright. Et puis ça c'est un truc d'espoir, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc en espérant que tout soit aille pour le mieux hein, dans l'avenir. Et une vie sans musique serait une erreur. Hein. C'est vrai que la vie sans musique n'existerait pas. Ah bah oui, moi je pense que la musique fait partie. Tout à l'heure j'entendais un poète qui s'était installé dans un phare désaffecté. Donc voilà, il vivait dans un phare. Et dans un phare, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est que surtout en Bretagne, quand il y a le vent et tout ça, il entend le vent toute la journée. Et puis il disait justement, le vent, il faisait pas de distinction entre le bruit et la musique. Le vent finalement, c'est une musique. Il le voyait comme tel et c'est ce qui l'inspirait pour ses œuvres et tout ça. Donc c'est vrai que même quand on marche, le rythme, etc., il y a toujours des rythmes. Hein, et c'est une musique finalement. Hein. La musique, c'est on se sert vraiment des sons pour les marier comme on a envie, mais ils existent dans la nature tout simplement. Hein. Notre cœur. Dans notre cœur, ouais. Le cœur qui va, rythme. Voilà, c'est une musique. Puis quand ça rythme plus. Quand ça s'arrête, c'est moyen plan. Vite un défibrillateur. Finalement, ce qu'on fait, c'est du vent. C'est du vent. En fait, on fait du vent. Voilà. Bah, disons que la musique, c'est vrai que c'est un instant. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux enregistrements, on peut les enregistrer et les réécouter à nouveau. Hein, chose qui est faite dans l'émission Maverica. Mais c'est vrai que des fois, vous interprétez des morceaux et vous dites là, il était bien. On aurait dû l'enregistrer. C'est pas souvent, mais bon. Bah là, je pense que quand même, vous en êtes bien sorti, hein, en direct live, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En plus, le son, moi, il me satisfaisait bien. J'espère que les auditeurs étaient contents du son. Donc, trois instruments, ça s'accordait très, très, très bien. Donc, on n'a pas eu vraiment. C'est le but, mais bon. on s'est accordé avant de jouer aussi. Oui, c'est important. Ouais, ça aide. Mais non, ça sert à rien, ça. C'est pas souvent. Rock'n'roll, allez hop. Voilà. D'autres choses à rajouter, non? Qu'on aurait oublié? Non? Non. Bon, je pense que on a déjà dit pas mal de choses. Donc, oui. Le groupe Swing Camille, voilà, vous avez écouté le style de musique qu'ils font. Si vous avez envie de les faire jouer, donc, à vos événements, n'hésitez pas à les contacter sur le Facebook. Hein, je pense que c'est le plus simple. Oui. C'est Swing. K. Plus loin, K. Plus loin, 1000, 1000. Voilà, très très simple, donc c'est facile à s'en souvenir en même temps. Et donc c'est du swing manouche, si vous avez envie d'avoir cette musique-là comme ambiance, même si vous organisez des soirées privées. Voilà, ça c'est important. Tout à fait. Voilà, la semaine dernière, on a reçu... Ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on a reçu Youss, hein, qui était venu nous parler donc de ses événements, de son univers, etc. Donc, Youss fait plusieurs styles différents. Et puis, la semaine dernière, elle nous a parlé plutôt de son côté reggae. Le 11, donc c'est aujourd'hui, c'est Swing Camille qui est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine prochaine, c'est le 18 novembre. Et c'est la Jarry qui vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de tout ce qui s'est passé depuis leur dernier passage. Le 25 novembre, c'est Jesus Whiskey qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc un groupe que j'ai découvert moi lors du son des blés, hein, encore une fois, même si je connaissais déjà Dom l'harmoniciste depuis longtemps, puisqu'il joue aussi avec les Blues Factory, entre autres. Hein. Il joue avec pas mal de gens, il a accompagné pas mal de personnes. Et puis, il avait aussi participé à une guinguette de Mavrika avec Black Hat, voilà, Dom. Voilà. Donc, c'est le 6 janvier, puisque le 6, ça tombe un vendredi. Et donc, le 6 janvier, on commencera l'année avec Alex Le Bay, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 20 janvier, ce sera The Jig, qui sera ici pour nous présenter son travail. Donc, c'est la première fois que je reçois ce groupe-là. Le 3 février, ce sont les Brunettes, donc je serai bien accompagné ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec de charmantes jeunes femmes qui feront du rock'n'roll. Et le 24 février, ça sera Anaïs From Paris, qu'on a écouté tout à l'heure, qui viendra donc nous parler de son travail aussi. Voilà, on est là pour parler du travail des artistes, hein, parce qu'ils ont plein de projets, plein de choses qu'ils font avec beaucoup de cœur et de plaisir, et nous, notre plaisir, c'est de partager justement leur travail grâce aux ondes de Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 MHz, et on peut aussi nous écouter sur radio-arc-en-ciel.fr partout dans le monde, ça c'est important aussi. Voilà, il est encore un petit peu tôt, on a deux morceaux à diffuser, il y en a un qui fait 13 minutes je crois, je l'ai gardé pour la fin. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un morceau, c'est les Feuilles Mortes qui ont été enregistrées dans l'émission numéro 351, si je me trompe pas, et puis après c'est le Swing, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est le Chafume qui interprète un morceau qui s'appelle le Swing de la Mort qui Tue. Voilà. Et c'est un morceau qui a été enregistré dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est vraiment une version Mavrika qui nous fait très plaisir. On l'a passé plusieurs fois déjà dans les studios dans notre émission. Et puis, ça faisait un petit moment. Donc, on terminera sur ce morceau. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ceux qui nous ont écoutés. On fait un petit coucou à Irène, qui nous fera peut-être un petit coucou avant la fin de l'émission. À notre ami Florent, à tous les fidèles auditeurs, à tous ceux qui ont mis un petit j'aime sur le Facebook de l'émission. Voilà. On est content de terminer cette émission dans la bonne humeur. On a passé un très bon moment. Et, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc après, on va faire les photos. Sauf ce qu'on a oublié de dire. Sauf ce qu'on a oublié. Ça reviendra cette nuit. Mais bon, on reviendra cette nuit, hein, dès que ça nous... Ah, on a oublié un truc, on revient. Non, mais sinon, il n'y a pas de souci, en tout cas. Vous êtes les bienvenus, vous faites partie de la Mavrika Family déjà depuis quelques temps. Je vais vous remettre un diplôme, encore une fois. Et donc, on se dit à très bientôt. Il n'y a pas de souci. Allez, à très bientôt. On se quitte donc avec les feuilles mortes enregistrées dans l'émission numéro 351, c'était les Swing Camille qui étaient déjà là à ce moment-là, donc, et le Chafume avec le Swing de la Mort qui Tue. Ah non, là c'est un autre. Ben, on va l'écouter en plus. Oui, hein. Là c'est en plus, c'est les Dirty Charlie avec Painted Black. girls are by the sea in their summer clothes. I hate to turn around till my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black with flowers and my love bought metal to come back. I see people turn the air and quickly look away like a newborn baby. It just happens. And a motherfucking deep up. Who I could not foresee this thing happening to me. If I look hard enough into the setting sun, my love will be before the morning comes. We'll be right back.

ça n'a pas marché. Peut-être avec le petit doigt, je sais pas. En tout cas, me voilà rentré chez moi, je vais dormir et dessouler. Bravo, merci. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.